Mosaïque. Bienvenue, auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro. Sans doute, vous vous demandez déjà sur quoi nous allons débattre dans notre émission, votre émission Mosaïque d'aujourd'hui. Aujourd'hui, notre sujet porte sur la politique. La politique, oui, car nous allons passer en revue les activités des partis politiques, des coalitions actuellement. Est-ce que les partis politiques sont aujourd'hui à l'œuvre? Comment? Que peut-on apprécier? Qu'est-ce qui ne marche pas? Quant aux coalitions politiques, ont-elles le droit de faire de la politique ou bien les activités ont pris fin avec la période électorale? Comment fonctionne-t-elle? Y a-t-il des défis pour le bon déroulement des activités politiques? Lesquels? Quelle est l'analyse du ministère ayant la gestion des partis politiques dans ses attributions? Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Que faut-il faire pour que les activités des partis politiques et des coalitions soient faites pour l'intérêt de tous? Ce sont là quelques points sur lesquels nos invités vont essayer d'apporter plus de contributions dans l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Nos invités sont au nombre de quatre. Nous sommes avec Terence Nairaja, assistant du ministre de l'Intérieur, et vous voulez présenter le ministre dans cette émission. Bonjour et bienvenue, monsieur Nairaja. Bonjour, messieurs les journalistes. Je dis bonjour aussi à nos chers auditeurs. Merci beaucoup. Nous sommes également avec Pierre-Célestin Dikoumana, président du groupe parlementaire d'Amizero ya Barundi. Bonjour, honorable, et bienvenue dans cette émission. Merci et bonjour. Et je dis aussi bonjour aux auditeurs. Nous sommes également avec Pasteur Haïmana, vous êtes président du parti FNL Iragijya Gahutu. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour et merci que quand même vous avez donné la peine de nous inviter dans la radio Isanganiro. Merci, bonjour, vous serez toujours les bienvenus. Nous sommes également avec le professeur Juvenal Ngogwanubusa pour le parti MRC Benzangemero, parti dont vous êtes le président. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci, chers journalistes, chers collègues. Merci à ceux qui nous écoutent. Aproni Dusabe est à la réalisation de cette émission et la mise en onde est assurée par Séraphie Hakizimana. L'animateur de cette émission, Mosaïque, est Charles Makoto. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Monsieur Nairaja, vous êtes l'assistant du ministre et vous avez la gestion des partis politiques au quotidien dans vos attributions. Quelle est l'appréciation que vous faites par rapport aux activités des partis politiques aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de me poser cette question. Au moment où je vous parle, le fonctionnement des partis politiques est tout à fait normal, conformément à la loi. Ici, j'aimerais rappeler à nos chers auditeurs qu'il y a d'abord la Constitution de la République du Burundi qui prévoit justement le multipartisme au Burundi. Et il y a aussi la loi régissant les partis politiques qui clarifie la naissance, la création, l'organisation et le fonctionnement des partis politiques. Il y a également les statuts de ces partis politiques eux-mêmes dont ils se servent pour justement fonctionner, mais également avec les règlements d'ordre intérieur. Donc, ce sont des textes juridiques qui sont suivis par les partis politiques pour fonctionner. Eh bien, dans tout le pays, chaque parti politique a le droit d'organiser des rencontres selon son programme. Il n'y a pas vraiment de problème à ce qui nous concerne. Et ici, j'aimerais vous montrer que vraiment, au moment où je vous parle, aujourd'hui, c'est mieux qu'hier parce qu'il est très rare que vous trouviez une trentaine de partis politiques de l'opposition qui puissent se mettre ensemble et arrêter des décisions de nature à orienter le gouvernement, à pardonner les positions par rapport au dialogue interne du Burundi, chose qui nous a intéressés. Et je vous fais un exemple concret. En date du 11 octobre 2016, les partis politiques de l'opposition qui œuvrent au Burundi, mais également l'idée des politiques qui sont représentées par le responsable d'Amizero ya Barundi, ont arrêté une résolution qui contenait vraiment beaucoup d'objectifs et de conseils au gouvernement, même à la facilitation, pour qu'en fait de compte, le dialogue entre les Burundi puisse se clôturer dans les délais meilleurs. Au moment où je vous parle, même Iragitega, une autre rencontre a eu lieu où étaient présents les 28 partis politiques qui également ont arrêté une autre résolution de nature justement à orienter le gouvernement, à orienter la facturation, à orienter les AC et à se projeter vers les élections 2020. Je ne vous parlerai que jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Parce que dans les années passées, on disait qu'il y avait un grand fossé entre le gouvernement et les partis politiques. Ils se regardaient de manière... L'un était comme l'ennemi de l'autre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, sauf peut-être quelques cas isolés. Au moment où je vous parle, bien sûr, il y a le parti MSD qui vient d'être suspendu par le ministre de l'Intérieur et de la formation patriotique pour avoir commis des fautes lourdes qui violent la loi régissant les partis politiques. Professeur Ngogwa Nobusa, vous faites la même lecture que l'assistant du ministre? Bon, c'est légèrement différent. Parce que si nous sommes sous le régime du multipartisme, il ne faut pas oublier que la démocratie, nous y sommes toujours entrés par précipitation. Les Belges nous avaient habitués à la chicotte et non pas au multipartisme. Et lorsque nous sommes entrés nous-mêmes dans le multipartisme, parce que nous n'étions pas bien préparés, nous avons immédiatement mal compris, mal digéré le multipartisme, en l'éthnisant notamment. Et lorsque nous pensions déjà être rodés en la matière, malheureusement, nous avons en face de nous des tendances du monopartisme qui reviennent. Tendance du monopartisme, mais professeur, est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Qui dit élection ne dit pas nécessairement démocratie. Il y a même des démocraties qui se sont comportées comme des démocraties autoritaires, dictatoriales, comme par exemple en Europe de l'Est. Aujourd'hui, on observe effectivement cette tendance, cette habitus autocratique qui veut que... Mais quand même, vous parvenez à tenir tête. Laissez-moi d'abord vous montrer les signes de cette tendance au monopartisme. C'est notamment lorsque la tendance est de refuser que des partis émergent, qu'on est fier d'avoir suspendu un parti politique, qu'on ne laisse pas les partis politiques fonctionner parce que ces partis politiques sont humiliés et intimidés sur le terrain. Je ne suis pas en train de dire des choses que tout le monde ne connaît pas. Quand on entend le discours du parti au pouvoir, en particulier de ces jeunesses, Simone Lacouré, qui humilient les membres des autres partis. Et je ne voudrais pas répéter ce qui est déjà connu par la communauté nationale et internationale. Quand on appelle au viol, sans qu'il y ait des sanctions, lorsqu'on voit des élus du CNDD-FDD, comme le président du Sénat, qui déclare à Makamba que les gens ne peuvent pas venir de Muramvya ou de Mwaro et aller se balader dans sa province, vous vous imaginez que, par exemple, moi qui suis de Muramvya, qui suis responsable d'un parti politique, je n'irai pas à Makamba facilement après les déclarations du président du Sénat. Et ça, il l'a dit, ça, je l'ai entendu. Alors, il y a cette tendance à éliminer purement et simplement les concurrents. Et on ne met pas les mécanismes nécessaires pour que tout le monde puisse aller auprès de la population pour expliquer son idéologie politique. Donc ça ne fonctionne pas, même si la loi sur les partis politiques est claire et sans équivoque. Cette loi est souvent violée, notamment par le parti au pouvoir, qui est évidemment représenté dans l'administration. Je reviens chez l'assistant du ministre. Monsieur l'assistant du ministre, le parti CNDD-FDD commet des bavures, des dérives au sein de la jeunesse Simone Lacouré. Le parti n'est pas touché, mais de quoi MSD est-il accusé? Pourquoi la jeunesse Simone Lacouré, est-ce qu'elle a le feu vert de faire tout ce qu'elle veut? Et je pense que cette question devrait être posée au représentant du parti politique qui n'a pas été invité ici. Mais du moins, à ce qui concerne l'administration, nous travaillons sur les enquêtes précises et des rapports corrects, concrètes. Et nous, ce que nous disons au niveau du ministère et de l'intérieur de la formation patriotique, c'est que toutes les personnes... Ça a été difficile. Toutes les personnes, qu'ils soient... Est-ce que vous n'avez pas pris connaissance de ces cas? Est-ce que si vous avez pris connaissance de ces cas, qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons entendu comme vous, mais il faut vérifier et enquêter. Pourquoi? Je me souviens dans les années passées, et j'étais encore à Makamba, chez nous, dans la province, et j'étais le responsable de la jeunesse dans cette province du parti au pouvoir. Il y avait une vidéo qui avait circulé avec des personnes qui avaient des bâtons, qui avaient des machettes, mais c'était un montage qui était évidemment préparé par l'Afrique de l'Ouest, qu'on a calqué sur Simone Lacouré, et à ce moment, on a fait tourner en disant que voilà ce qu'il faut Simone Lacouré. Après des enquêtes et vérifications, on a remarqué que c'est faux. Souvenez-vous, dernièrement, dans la veille des élections, d'autres les images ont également circulé à la télévision et à la radio. Ça peut arriver. C'est pourquoi qu'on a des images sur les réseaux sociaux. Il faut prendre le temps de vérifier et de voir si réellement il s'agit de la réalité. Nous attendons le rapport pour afin qu'on puisse nous prononcer sur ce point. Voilà. Pasteur Habimana, quelle est l'analyse que vous faites par rapport au fonctionnement des partis politiques? Vous, ça va très bien, c'est du FNL, il a Guidiaga Hutu. Je ne suis pas ici à représentant du ministère de l'Intérieur pour analyser comment les partis... Quelle est votre appréciation par rapport à vos activités sur le terrain? Bon, permettez que je vous explique, parce que je viens de commencer... Je ne suis pas, je répète, je ne suis pas du ministère de l'Intérieur pour savoir comment les partis politiques travaillent sur le télé. Je dois parler du côté du parti FNL Guiaga Hutulim. Oui, c'est terrible. Parce que nous avons accepté la démocratie, c'est-à-dire là où s'arrête votre liberté, là où commence ma liberté. Ça, c'est chose primordial. Secondo, accepter la démocratie veut dire accepter l'autorité, accepter le gouvernement, parce que vous aussi demain, vous serez quand même élu comme président de la République, vous allez avoir un gouvernement et donc les autres seront obligés de devoir vous accepter comme tel. Mm-hmm. Autrement dit, ça sera des coups d'État sur coups d'État et on n'aboutira à rien. Le Burundi restera tel qu'il était dans l'OTAN. Mm-hmm. Par rapport aux activités sur le terrain, comment le parti FNL, la Guidiaga Hutulimi se comporte? Est-ce que vous avez des défis que vous rencontrez? Des défis, il y en a. Mais des défis, tout à l'heure, j'ai dit que les défis que moi je rencontre avec le parti que je dirige, je ne suis pas obligé de devoir les citer ici au micro. Nous sommes dans un débat ouvert, pourquoi n'est-ce pas? Oui, débat ouvert, d'accord, politique, autre chose. On vous dira que bon, nous on travaille chin qua chin, c'est-à-dire sous la table. Et on parle, parce que si Madame Bill Clinton savait que Trump était en train de travailler chin qua chin, elle aurait pu prendre d'autres mesures. Donc, ne m'engagez pas à devoir dévoiler tout ici, parce que là, 2020 matin, vous voyez. Et donc, laissez-moi vous dire, les partis politiques, on l'a déjà dit, je les invite à suivre la loi, à suivre... Moi, je disais par rapport, je vous demandais par rapport à FNL, Iragidiaga, Hutulimi. Ça va, pour nous, ça va, parce qu'on est démocrate, on est démocrate. En démocratie, tu acceptes au départ qu'il y a l'autorité. Et cette autorité doit vous protéger. Et donc, ce n'est pas l'autorité qui va vous apprendre comment travailler. Ça, c'est tout à fait différent. Donc, Si vous allez prendre des armes, des jeunes et vous battre avec l'autorité, l'autorité ne va pas rester main croisée. L'autorité va s'attaquer à vous et vous n'allez pas avancer. Pour dire que vous êtes protégé par le parti au pouvoir? Je ne suis pas protégé par le parti au pouvoir d'un côté, mais de l'autre côté, toi aussi ici, votre radio, vous êtes en train de réclamer haut et fort. Je ne sais pas quelle radio, etc. Vous êtes aussi protégé par l'autorité. Si l'autorité n'est pas là, je vais venir, je prendrai tous vos micros et vous n'allez pas. Donc, c'est-à-dire, les partis politiques doivent travailler en concert avec la loi, en concert avec l'autorité. Ça, toutefois, se battre avec le gouvernement. Mais il y a une façon et une autre de se battre avec le gouvernement et de réussir les élections. Et nous retenons de là qu'au sein du parti FNL, la Guidiaga Hutulimi, tout va bien. C'était l'honorable Pierre Célestin, vous êtes le président du groupe parlementaire. Non. Ce que vous avez dit, ce n'est pas juste. Je vous ai dit que ce qui ne va pas bien, je ne suis pas obligé, parce que vous le demandez, vous n'êtes pas obligé de le dire tout de suite sur le plateau, parce que je vais perdre ma place, je vais perdre ma façon de travailler, et j'ai une façon à moi et mon parti de travailler. Ok, vous avez peur de perdre votre place et votre façon de travailler. Honorable Pierre Célestin. Non. Je n'ai pas peur. Vous ajoutez des choses que je n'ai pas dit. Okay, peur veut dire, c'est ce qu'il a dit en Kirundi, avoir peur, c'est que les gens fuient le pays. Moi, je n'ai pas peur, mais j'ai une façon que je vais vous apprendre. C'est votre stratégie. Venez, voilà, stratégie. Ok, honorable Pierre Célestin Ndikumana, vous êtes satisfait de la manière dont les activités se passent au sein de la coalition Amizero ya Barundi où est-ce que vous êtes en termes de la loi par rapport à vos activités politiques? Merci beaucoup. Ma première appréciation est que nous vivons un monde où la démocratie est synonyme des élections et qu'on donne le plein pouvoir du gagnant d'écraser les autres. C'est pour moi un sens détourné de la démocratie et c'est malheureux. Ça, c'est ma première appréciation parce qu'il y a deux poids, deux mesures et nous vivons une discrimination politique à outrance. Quand les autres hissent les drapeaux ici et là sans qu'ils s'inquiètent. Donc, juste pour te dire que ce que nous sommes en train de vivre comme coalition Miséria Barundi révèle cette immaturité politique, cette immaturité de la démocratie au Burundi. Parce que si on dit, Si vous parlez de discrimination sans outrance, qui vous discrimine? Mais le parti au pouvoir qui ne nous laisse pas le libre choix, le libre expression de nos idées politiques et jusqu'à ce qu'on ne soit pas à mesure de rencontrer nos militants. Vous pouvez vous imaginer, nous sommes à Kigobe à 30, c'est une trentaine a été élue de la coalition. Et vous pouvez vous donner une idée de la population qui nous a élus. Et vous privez toute cette population à s'exprimer, à pouvoir donner ses doléances à les représentants, à pouvoir dire ou s'exprimer sur la gestion du pays. Vous jugez ça normal. Donc, c'est ça. C'est la raison pour laquelle je vous disais que nous avons un problème sérieux dans notre pays et surtout un problème sérieux par rapport à la compréhension du concept de démocratie. Pour le moment, nous sommes victimes des abus de pouvoir de certains membres de l'exécutif. Et la discrimination dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette discrimination que nous subissons, malheureusement, ça devient de plus en plus comme un régime quotidien. Ça devient de plus en plus normal, ce qui est fort regrettable et inimaginable. Donc, imaginez-vous, si nous ne pouvons pas rencontrer nos membres, on dirait qu'on retourne à la case de départ. Où on faisait des filatures aux gens qui allaient... Qu'est-ce qui est prévu, monsieur l'assistant du ministre, par rapport aux coalitions dans une période X qui n'est pas une période électorale? Merci beaucoup. En fait, c'est juste ceci, sauf parce que celui qui a la parole, en fait. Et la loi régissant les partis politiques est précise sur la naissance, le fonctionnement et l'organisation d'un parti politique. En fait, elle ne prévoit en aucun cas les indépendants. Donc les indépendants sont régis par le code électoral. Mais les coalitions des partis politiques sont reconnues par cette loi. Mais les coalitions des indépendants ne sont pas reconnues par cette loi. Ils sont régis par le code électoral, d'où ces coalitions sont terminées avec les élections, effectivement. La question qui est posée, honorable, c'était de savoir est-ce qu'une coalition qui a eu 30 députés au sein d'une assemblée nationale, aujourd'hui, elle n'a pas le droit d'aller dialoguer, d'échanger avec les membres? Je crois que la meilleure solution est de créer un parti politique, c'est tout à fait normal. S'ils veulent organiser des réunions politiques sur le terrain, il faut. On ne peut pas passer outre un parti politique. Honorable Pierre Célestin, il faut créer un parti politique. Non, pas du tout. Même ceux qui ont été créés, et vous savez, le contexte dans lequel notre coalition est née, nous avions un parti qui a été, j'allais dire volé, mais vous savez tout ce qui a été fait. Il y a bien sûr les partis qu'on empêche de travailler, même si aujourd'hui on mettait en place un autre parti politique, demain ça sera scindé en deux ou en trois ou en quatre. Je dois vous dire, c'est pas un secret, même aujourd'hui on fait des attractions pour essayer de diviser même la coalition, notre coalition des indépendants. Qui encore? Mais c'est toujours le parti au pouvoir. Je dis bien le parti au pouvoir parce que ceux qui le font sont membres du parti au pouvoir et on ne fait rien pour les interdire ça. Bon, je dois revenir sur ce que je disais parce qu'à un certain moment, vous m'avez interrompu avant que je finisse ma réflexion. Si j'en crois à ce que dit Terence, c'est comme s'il y a la loi qui est là et qui nous prive tout et qui nous interdit tout, qui nous interdit nos droits fondamentaux. Ça serait regrettable. Bon, je pense que de telles lois, on s'embraye sur des lois justement pour exclure les gens, des lois qui sont taillées sur mesure. Mais si réellement il reconnaît la Constitution comme la loi mère, tout au moins, il faut qu'il reconnaisse que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ça, c'est la Constitution. Et devant la loi, qui leur assure une protection égale. Donc, nul ne devrait normalement être objet de discrimination du fait de ses convictions politiques. Nous, nos membres d'Amizero ya Barundi, ils ont des convictions politiques. Ils ont besoin de s'exprimer. La population qui nous a élus, si on peut le dire ainsi, a besoin d'exprimer ses doléances. Et nous devons travailler sur les doléances de la population pour chercher à améliorer leurs conditions de vie. C'est la raison, c'est notre raison d'être. Alors imaginez-vous si nous sommes dans l'incapacité de pouvoir rencontrer nos membres, de pouvoir rencontrer ceux qui nous ont élus, de pouvoir rencontrer en général la population, parce qu'un député, ce n'est pas pour une organisation politique, c'est pour toute la société, c'est pour tous les Burundais. Si on ne peut pas nous faire ou nous donner cette chance de rencontrer nos gens, mais ça serait, c'est quel type de démocratie? Tous les Burundais ont le droit de vivre dans la paix et dans la tranquillité, dans la sécurité. Ce qui n'est pas le cas pour les... Mais tous les Burundais ont l'obligation de respecter la loi. Bien évidemment, bien évidemment. Il y a des droits et des obligations. Mais il y a des obligations qu'on remplit, bien sûr, mais il y a aussi des droits. Est-ce que les Burundais de la coalition Mizero ya Barundi n'ont pas des droits? Ils ont des droits et on doit les laisser bénéficier de leurs droits et de la dignité humaine comme tous les autres. Sinon, s'il faut promouvoir la discrimination, s'il faut interdire que les membres de la coalition vivent tranquillement dans le pays, ça serait horrible. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Là, je le dis, je n'exagère pas. C'est parce que, bien sûr, à côté de ne pas avoir ce pouvoir-là de pouvoir exercer la politique, il y en a qui sont emprisonnés arbitrairement pour l'unique raison qu'ils sont membres de la coalition. Et nous avons beaucoup d'exemples. Il y en a qui sont, je dirais même torturés. Il y en a qui sont qui quittent leur ménage, qui vivent en cavale parce qu'ils sont membres de la coalition. Donc, c'est ce que je considère pour moi comme inacceptable dans un État dit démocratique, dans un État dit de droit. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas cautionner ça. Professeur, quels sont les défis auxquels vous faites face aujourd'hui sur le terrain? Est-ce que vous êtes d'abord sur le terrain? Quels sont les défis auxquels vous faites face sur le terrain? D'abord, la démocratie n'est pas comprise de la même manière dans notre pays. Parce que, alors que la démocratie doit éduquer la population à la citoyenneté, certains partis politiques ont pensé que la démocratie, c'est écraser le vaincu. Et c'est ce que nous observons, effectivement, aujourd'hui, et les signes sont nombreux. Premièrement, les mécanismes pour accepter que les partis fonctionnent. D'abord, les agréments eux-mêmes, c'est selon la volonté du parti au pouvoir. Laisser les coalitions fonctionner, ça aussi, tout cela n'est pas dans les déclarations universelles des droits de l'homme. Chaque citoyen, même n'appartenant pas à un parti politique ou à une coalition, a le droit de s'adresser à la population, de parler de politique, même de prétendre diriger son pays. Ça, c'est un droit inaliénable. Deuxièmement, les partis politiques ne fonctionnent pas parce que nous avons une vieille habitude, finalement, du pouvoir centralisé depuis longtemps. Nous n'avons pas voulu, mais comme ça veut dire une multitude de partis politiques, nous n'en voulions pas. La tendance est la même aujourd'hui. Vous voyez un parti qui s'impose, qui écrase les autres, ça veut dire. Vous allez sur les rues, vous y trouvez les signes du parti au pouvoir. Moi, j'ai vécu dans plusieurs pays, ailleurs, en Afrique, comme en Europe. Vous ne pouvez pas imaginer, à chaque coin de rue, des signes du parti au pouvoir, drapeau du parti au pouvoir. Ici, au Burundi, il y a une loi de 2005 qui sépare les postes politiques et les postes techniques. Mais tout ça n'est pas respecté. On a un poste parce que, quelque part, on appartient au parti au pouvoir. Exactement comme à l'époque du parti unique où tous les jeunes, toutes les femmes, tous les enfants étaient délits. Même les commerçants, l'association des commerçants burundais appartenait au parti. Aujourd'hui, on observe la même chose lorsque on ne peut pas avoir un marché, lorsqu'on ne peut pas avoir le droit de commercer le sucre, quand on n'appartient pas au parti au pouvoir. Ce sont des choses qu'on observe. Nous avons des gens qui, au Burundi, ont des marchés à eux, à titre personnel, alors que le marché central a été brûlé. Des gens qui ont leur propre marché avec l'assentiment de l'État. Vous parlez de tout cela, professeur, mais qu'en est-il des rapports avec le ministère de l'Intérieur? Est-ce que c'est le ministère qui vous bloque? Moi, à titre personnel, j'ai des rapports cordiaux avec le représentant du ministère de l'Intérieur qui est ici. Mais avec qui vous avez des problèmes? Cela n'empêche que la plupart de nos membres, les uns ne peuvent plus parler de politique parce qu'il y a autour d'eux des Imonenakure. Les autres membres sont partis à l'étranger par peur. Et on les poursuit d'ailleurs. Nous avons un membre qui est en Tanzanie qui nous représentait à Akar aussi. Il est poursuivi par les Imonenakure là-bas. Alors, les rapports avec le ministère, ces rapports seront assainis si un jour les partis politiques se mettent ensemble. Qu'ils dialoguent et qu'ils remettent en place de nouveaux mécanismes de fonctionnement des partis politiques sur un critère d'égalité. Parce que, je ne sais pas si vous en rendez compte, il y a des partis, nous avons quand même une structure des partis, quand vous regardez la situation des partis politiques, ils sont assez différents. Moi, j'appartiens à un groupe de partis politiques qui vont aux élections. Si vous allez au ministère de l'Intérieur, ou alors à la CENI, demandez. Les gens qui s'étaient inscrits aux élections en 2015, qui avaient payé leur caution, ne sont parmi ceux-là. Mais il y a d'autres partis que le parti au pouvoir a accaparé, qu'on entend parler. Est-ce que ça, ce n'est pas une accusation de la vie? Non, il y a des partis qui n'étaient pas inscrits parmi les partis pour les élections. Mais assez étonnamment qu'on entend dire, applaudir à chaque fois que le parti au pouvoir vient de parler, pas seulement les partis d'ailleurs, même des organisations de la société civile. Vous vous étonnerez, vous avez une association de la société civile dont le rôle c'est de s'occuper des malades du sida, mais vous les entendez organiser des manifestations pour dire il ne faut pas des négociations à Arusha, etc. C'est pas leur rôle. Terence Nahiraja, emprisonnement abusif, écraser et vaincre d'autres partis, des signes qui ne trompent pas qu'on évolue vers le monopartisme. Qu'est-ce que vous faites finalement, vous, qui êtes accusé aujourd'hui, de favoriser, de ne pas laisser le libre choix à d'autres partis fonctionner? Je voudrais d'abord m'inscrire à fond contre ces propos que je qualifie de mensongères parce que, comme je l'ai déjà démontré au départ, il n'y a aucun obstacle quand ce qui concerne le fonctionnement des partis politiques. Et je vous fais un exemple d'hier, même à Gitega, il y avait 28 partis politiques de l'opposition qui étaient ensemble et qui ont sorti une résolution qui parle de la situation rayée des politiques et sécuritaires dans le pays et qui ont donné des conseils quant à l'organisation des dialogues inter-burundais, inter-extérieurs. Alors, s'il y a l'un ou l'autre qui parle de cela, en tout cas, ce n'est pas ça. Et permettez-moi, monsieur, j'aimerais vous informer que la Constitution de la République du Burundi, dans son article 75, reconnaît le multipartisme au Burundi. Et les partis existent et sont fondés. Mais ces partis sont toujours divisés et divisés par. Justement, je m'inscris en faux contre ce qui dose idées de discrimination ou même d'autres. Ce n'est pas du tout vrai, mon cher ami. Et ils disent que quand le vainqueur gagne l'élection, il écrase les autres. Par contre, si on analyse la politique au Burundi, c'était plutôt que le vainqueur était écrasé. Je le démontre. Exemple. Alors, en 61, le président Rwagasore, après avoir lutté pour l'indépendance, mais il a été zigouillé. Avançons à 65. Combien d'honorables députés qui ont été assassinés parce qu'ils avaient vaincu les élections? Avançons en 93 avec son excellence Mekio Ndadaye et ses proches collaborateurs. Mais après 3 mois, ils ont vaincu, mais ils étaient écrasés. Vous voulez que je continue? Non. Le président Cyprien Ntaryamira. Nibanunga ya aki on a jeté. Je ne dis pas quoi à Bugenda na Waye. Mais le professeur. Alors, c'était pour vous montrer que mon cher ami, il a parlé de l'Iprona, des anciens politiques. Permettez-moi de ne pas y revenir. Mais j'aimerais vous dire que le principe au Burundi est que le vainqueur soit écrasé. Mais comme aujourd'hui on avance, qu'il faut que les gens respectent, reconnaissent l'existence d'un pouvoir démocratique. Et lui, ils ne veulent pas le comprendre. parce qu'on vainquait, mais c'est celui qui était vaincu qui devrait, coûte que coûte, reprendre le pouvoir. Un des signes évoqués par le professeur Ngo Kwanubusa est que le parti au pouvoir aujourd'hui installe des monuments un peu partout dans tous les quartiers. D'autres partis comme aujourd'hui le parti MRC peut se lever demain matin et mettre son monument sur une route. Merci beaucoup de poser la question. J'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil dans les statuts qui régissent le parti au pouvoir et même d'autres partis politiques que vous voyez ici. Et j'ai vu dans ce parti qui est au pouvoir que du sommet à la base, il y a ce qu'on appelle jusqu'à la base, ce qu'on appelle, je ne sais pas ce qu'ils appellent en français, ce qu'on appelle Inama Shingiro. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont prévu qu'ils peuvent construire des permanences, non seulement au niveau national, provincial, communal ou collinaire, même au niveau de la cellule. Alors là où on trouve ces signes-là, surtout à Medo Bujumbura, c'est parce qu'ils n'ont pas pu trouver une parcelle suffisante. Alors, ils ont préféré, au lieu de construire une permanence, y mettre un signe distinctif dans les partis politiques. Et si les voies publiques. Chaque parti politique en a le droit. Et si les voies publiques, monsieur l'assistant. Non, pas dans la voirie, mais plutôt, je ne pense pas que c'est comme ça que ça se présente. Parce que si l'État respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et même d'opinion, mais cela doit s'exercer conformément à la loi. Même tous les autres partis politiques qui existent au Burundi ont le droit de le faire. Mm-hmm. Permettez-moi aussi de dire un mot sur les propos concernant le discours qui a été prononcé par le président du Sénat. Mm-hmm. À Nyanzarak, à Kadirabageni, quand on venait d'attraper les fusils avec les malfaiteurs. Moi, j'ai suivi ce qu'il a dit derrière. Il a dit que ces gens qui viennent d'ici et là, qui sont des malfaiteurs, mais il faut les rassembler et les punir. C'est ce qu'il a dit. Mais il n'a pas voulu dire à Makamba, je suis natif de la province. Je suis natif de la province. J'aimerais vous dire qu'à Makamba, à peu près la moitié de la population, ce sont des gens qui sont venus d'autres provinces et qui vivent là-bas et qui vivent en paix et sécurité. C'était juste pour dire à Moshi Sora. Du reste, la loi est claire concernant les indépendants amis zéro à Barundi. Je vous ai dit qu'ils sont régis par le code électoral, nulle part dans la loi réciproque par des coalitions des indépendants. Dès que les activités se sont arrêtées juste après. C'est ça, effectivement. Mais comme ils sont élus, ils sont dans les fonctions. Et il a parlé d'un problème d'aller rencontrer la population. Mm-hmm. N'oublie pas qu'il y a ce qu'on appelle les vacances parlementaires. Mm-hmm. En principe, dans chaque circonscription de la province, il y a un groupe de députés qui sont élus conformément à la population qui est là, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et pendant les vacances, ils ont le droit et le rôle d'aller en équipe. Dans chaque province, il y a les députés. Honorable Pierre Célestin, vous mais, avez le droit. Mais de... les dessins se font. C'est-à-dire que pendant les vacances, mm-hmm. les députés, on ne travaille pas en équipe. Ce n'est pas un député qui va faire tenir une réunion d'un parti. Mm-hmm. Même celui du CNDFDD, ce n'est pas ça. C'est le parti qui fait ça. Mais les députés élus, ensemble, dans une circonscription donnée, ont les prérogatives de former l'administration, d'organiser des centres et d'aller récolter les doléances de la population ensemble. Ils en ont le droit. Je pense que là, il faut vraiment qu'on se comprenne quand même. Honorable Pierre Célestin, vous avez le droit d'aller rencontrer les gens qui vous ont élus dans différentes circonscriptions pendant les périodes de vacances parlementaires. Bien évidemment, ce droit, nous l'avons, mm-hmm. mais nous ne l'exerçons pas parce qu'il y a des obstacles. Et les obstacles, c'est ce même ministère. En présence ici. Et je peux vous faire juste quelques exemples. Pendant les vacances parlementaires, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a été interdit de rencontrer une population alors qu'il était en mission officielle. Vous savez ce qui s'est passé à Cibitoke, un gouverneur qui interdit au premier vice-président de l'Assemblée nationale de rencontrer une population alors qu'il était en mission de travail. Je le répète. Mm-hmm. Vous savez ce qui s'est passé à Karoussi. Mais j'ai eu le rapport, je vais m'expliquer après. Mais, quand vous allez terminer. Quand vous dites que nous sommes libres, quand vous dites que nous sommes libres de rencontrer nos militants, en tout cas, mais permettez-moi de m'exprimer. En tout cas. Je ne vous ai pas interrompu du tout. Quand vous dites que nous sommes libres de circuler, de rencontrer nos militants, pas seulement nos militants, mais aussi la population. Mais aussi la population. Une réunion d'un parti politique, c'est différent. Là, alors, vous serez coupé. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Vous savez quand même ce qui s'est passé à. Oui, oui. À Karoussi. Je vais y revenir après. Vous pouvez continuer. Très récemment, le même premier vice-président de l'Assemblée nationale et notre président de la coalition, Etariania Murenza, il a été filé par un administrateur communal avec tout un groupe de jeunes Imbonerakure qui chantaient « Son mandat n'est pas pour toi ». Est-ce que c'est une discipline, ça, d'une jeunesse, d'un parti politique qui se respecte et qui respecte la loi? Pour ne citer que ces exemples. Donc, pour vous dire, je vous donne juste quelques exemples frappants. Et c'est à vous d'interpréter, de savoir si réellement ce que vous dites, que nous sommes libres de circuler, de rencontrer la population, encore moins de rencontrer nos militants, parce qu'il y en a. S'il n'existait pas, on ne serait pas là. Ça, il faut quand même le reconnaître. Même si on prenait le résultat des élections qui ont eu lieu en 2015, bien sûr, qui ne se sont pas bien déroulées. Vous le savez que nous-mêmes, nous n'étions pas présents. Même si on prenait ça comme un indicateur, nous sommes quand même la deuxième force politique dans le pays. Et le sort qui nous est réservé, c'est lequel? Donc, tout de même, il faut appeler le chat par son nom. Mm-hmm. Nous subissons une discrimination, comme je l'ai appelé avant, à outrance, une discrimination inexplicable, parce que nous sommes là comme tous les autres, nous sommes des citoyens à part entière et nous avons droit d'exercer la politique comme la Constitution aussi le permet. L'article 13 des valeurs fondamentales dispose que tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la protection de la loi. Mmh. Aucun Burundais ne sera exclu de la vie sociale et politique de la nation. Fin de citation. Est-ce que c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Il y a des emprisonnements, je l'ai dit. Il y a des emprisonnements. Non. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Écoute, il y a des emprisonnements arbitraires. Ok, je vais expliquer. Parce que j'aime le rapport. Il faut que les auditeurs entendent la réalité. Je ne vais pas laisser que le maçon ne puisse passer. Oui, je vais dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, permettez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec l'honorable Agathon Rwasa? Il était en vacances parlementaires, mission officielle avec d'autres députés natifs de la province. Ils ont fait leur travail. Mais après le travail, il a voulu tenir une réunion politique. Il ne faut pas comme en partie politique. Et à ce moment, écoute, non, laissez-moi parler. J'ai le rapport qui est écrit. Même le gouvernement de la province de Cibitoke a écrit officiellement. Et il a même copié l'honorable Agathon Rwasa. Et on a les rapports là-bas. Alors, ils ont fait la descente, ils ont échangé avec la population, ils ont bien effectué une mission, mais après cela, il est allé tenir un meeting politique. Alors, ok, ce n'est pas un parti politique. C'est quoi? Non, laissez-moi, le rapport est là. D'ailleurs, un jour après, il a voulu faire même chose à Carousse. Jusqu'à ce qu'il y ait une idée mésentente, car le gouvernement a téléphoné le protocole a dit, ce n'est pas quoi qui nous donne des ordres. Il a donc vendu le chef de protocole. Écoute, il faut combattre ce qui s'est passé. Répète bien, la loi concernant les partis politiques est claire. Elle ne définit pas les indépendants. Ils sont définis par le code électoral. Une fois les élections terminées, ils attendent. Ils sont députés, ils sont là. S'ils veulent rencontrer la population, il y a les vacances parlementaires. Et il faut y aller avec les autres, rencontrer la population, décoter les doléances et faire le travail, c'est normal. S'il vous plaît, monsieur l'assistant, est-ce qu'après les activités, un député élu dans une circonscription quelconque, parce qu'un député représente toute la population. Même celui du CNDD. Est-ce qu'un député n'a pas le droit de s'asseoir avec des gens, dialoguer et discuter? Même le président du parti politique que voici, qui fait la liste des députés, s'il veut faire une réunion, il informe l'administration. C'est écrit dans la loi. Il y a la loi régissant les réunions et les manifestations publiques. Il y a des articles bien définis. Quand il faut le demander, après qu'est-ce qui doit se passer, mais c'est bien défini. Il y a une autre loi qui le définit. Alors, s'il a voulu tenir cette réunion, il y a une loi qui le réglemente. C'est pourquoi le gouvernement de la province de Makamba a fait cette réaction. S'il vous plaît, Terence Nahira, déjà assistant du ministre de l'Intérieur, est-ce qu'un député aujourd'hui, il n'a pas les prérogatives d'échanger en dehors des activités officielle, d'échanger avec échanger, la population? Échanger, oui, mais pas tenir une réunion dans un parti politique sans autorisation aucune. Je dois quand même intervenir. Il parle des rapports. Il faut s'interroger. Qui fait ces rapports? C'est ça la qui réalité qui s'est déroulée. Ouais. Évidemment, qui fait ces rapports? Qui donne ces rapports? Ce sont les gouverneurs, ce sont ses administrateurs. Il reçoit les rapports. Est-ce qu'ils ne sont pas responsables? Ceux-là même. Ils ne sont pas responsables, ces gouverneurs. Bien sûr, ils sont responsables. Mais ce sont ceux-là même. Voilà. Oui, écoute, je dois quand même clarifier ça. Mais quand même, ils sont responsables et on a suivi de près la question. S'il vous plaît, je dois clarifier ça. Moi aussi, je dois clarifier parce que si vous clarifiez à Manta, à ce moment, ça ne peut pas marcher. Il veut dire que je dis qu'ils n'ont pas ces responsabilités de donner le rapport. Ils ont ces responsabilités. Ils doivent le faire. Ah oui. Mais comment ils doivent le faire? Donc, imaginez-vous. Comment ils doivent le faire? C'est une autre question. Non, écoute. Écoute, d'abord, je dois clarifier. Son Excellence Rwasa Agathon n'a pas tenu un meeting, à moins que on confond un meeting avec autre chose. Mm-hmm. On l'a filé, on l'a même interdit de saluer les gens sur la route. Mm-hmm. Et c'est regrettable. Il y avait même une équipe qui était non, écoute, non m'interrompe. N'essayez pas de m'interrompre. Mais on a eu quand même des mais est-ce des que vous, si même on prenait le cadeau de mais okay, il faut accepter la réalité qui s'est est-ce que Wassa n'a pas droit de circuler sur tous les temps même si maintenant il circule même s'il n'était pas si on le respecte même s'il n'était pas on a même échangé avec lui sur ce dossier ici dans la même émission. Écoute, centralise pas le débat entre des personnes s'il vous plaît. Un administrateur avec un groupe d'Imbonera Kure qui chante qui empêche le premier vice-président. C'est une information que l'Assemblée nationale aujourd'hui, honorable, si vous entre le rapport, si vous de visiter une famille. C'est quand même okay, horrible. Mosaïque. Pasteur Habimana, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quel est le constat que vous faites par rapport à vos activités sectaires? Quels sont les défis que vous rencontrez et quelles sont les voies de sortie que vous empruntez? Nous croyons que nous sommes à Washingana, car les deux nos frères ici se disputent sur un sujet. Je crois qu'on peut quand même parler et devoir donner la lumière. Tout le monde ici a parlé de la loi. Avoir parlé de la constitution, avoir parlé des droits et obligations. Et je crois que si les questions de tenir des meetings, la loi exige. Ouais. Si la loi exige, donc il faut former un parti politique. Une question à vous, Pasteur Habimana. Est-ce qu'un député élu dans une circonscription X n'a pas les prérogatives, n'a pas le droit de rencontrer la population et d'échanger? Ben, je voulais vous demander d'aller consulter la loi. Bien lire la loi et si la loi le lui permet état député élu indépendant ou député élu dans un parti politique là la réponse est claire, vous l'avez devant vous, lisez la loi et si donc c'est pas ça et que la loi exige de former un parti politique, je crois pas qu'on va faire des heures et des heures ici en train de discuter ce qu'il faut faire. Allez droit au ministère de l'Intérieur, donnez votre nom, enfin, mon parti est appelé terre, etc., etc. À la loi de suivre, c'est tout. Et je l'appelle à nos auditeurs que nous sommes avec 4 invités. Nous sommes avec Honorable Pierre-Célestin Dikoumana, qui est le président du groupe parlementaire de la coalition Amizole Abarundi. Nous sommes également avec Pasteur Habimana, qui est le président du parti FNR Iragijya Gahutu. Nous sommes également avec Terence Nahiraja, il est assistant du ministre de l'Intérieur et de la Formation Patriotique. Nous sommes également avec le professeur Juvenal Ngoenoubusa pour le parti MRC. Revenons un tout petit peu sur ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Si on parle du multipartisme, directement on fait appel à l'ethnisme. Si on parle de devoir appliquer la loi, on parle de monopartisme. Où est-ce que vous êtes en train de conduire le Burundi? Ce n'est qu'une chose. Acceptez d'abord qu'aujourd'hui, il y a une autorité. Vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas, l'autorité est là. Sincèrement, je regrette et je le dis comme ça. Nous devons aujourd'hui devoir être guidés par la loi. Accepter. Et vous pensez que Amizero Abarundi et le parti MR5 qui sont en train d'évoquer des choses qui ne marchent pas, qui sont en conflit avec vous redites, le respect vous, de la loi? Vous redites vous-même. Moi, je vous ai dit qu'il faut faire appel à la loi. Donc, faut pas. Aujourd'hui, je ne suis pas juge pour juger l'un ou l'autre. Moi, je dis, est-ce que la loi, quand dit la loi, est-ce que la loi est là et pour qu'est-ce ça que dit, et qu'est-ce que dit la loi précisément? Et qu'est-ce que dit la loi, par exemple, par rapport aux activités d'un vice-président de l'Assemblée nationale qui va visiter son électorat et qui y est poursuivi par un administrateur avec un groupe de jeunes? Eh bien, je crois bien que... Non, c'était en visite dans une famille. Je crois bien que le vice-président du Parlement est géré et guidé par... Je ne vais pas aller à côté de la loi et géré, guidé par la loi. Et oui, devoir la parole juger... est à vous, monsieur. Oui, ok, merci beaucoup. Est à vous, vous pouvez... À Nyamulenza, si il est sorti chez lui pour aller visiter la famille. Tout le monde a vu qu'il était parti pour la famille et non pour faire un meeting. Je crois que donc, question meeting et question visiter la famille, c'est tout à fait différent. Il faut comprendre. Mais parce que vous défendez votre chef, je vais vous donner une réponse. Moi, vous avez parlé longuement, honorable. Mais il faut la vérité. Honorable, il faut respecter les autres. Continuez. Non, non, écoute. Il doit lui aussi respecter les autres. Laissez. Vraiment. Honorable. Vous pouvez voler. Un bon chef, comme un bon berger, protège ses brebis. Si vous êtes un président d'un parti politique, l'essentiel est de faire à sec tous les membres du parti. Vous essayez de faire le minimum possible de les protéger et non les plonger dans la fosse. Merci beaucoup. Nous n'avons pas oublié le professeur Ngogwano Busa. Le parti MRC, la coalition Amizero ya Barundi, en conflit avec la loi. Qu'en dites-vous? Le parti MRC, nous n'avons pas l'habitude de nous ingérer dans les affaires des autres partis. Je parlerai pour le mien, mais je voudrais vous faire remarquer ce ton, le ton un peu exalté qui caractérise ce le panel. Hein. Ça, c'est signe d'une démocratie qui n'est pas apaisée. Normalement, si la démocratie était apaisée, nous aurions pu parler calmement sans devoir nous lancer des mots parfois trop forts. Mais c'est la situation qu'on connaît au Burundi aujourd'hui. Parce que lorsque quelqu'un dit « voilà, on ne me permet pas de m'exprimer politiquement », c'est qu'il le ressent. La loi est évoquée seulement pour justifier ses propres positions, ses propres actes. Lorsque un vice-président de l'Assemblée nationale se rend à l'intérieur du pays, il n'a pas respecté la loi. Mais lorsque des membres du parti au pouvoir battent le pavé chaque semaine à Bujumbura et à l'intérieur du pays, tantôt pour contre telle coopération, contre les Nations Unies, contre tout le monde, ils ne demandent pas d'autorisation. Ils se décident la nuit, les voilà qui marchent dans tout Bujumbura. Et ça ne m'étonnerait pas qu'aujourd'hui même, il n'y ait pas une marche qui n'a pas été annoncée. La loi sur les partis politiques n'a jamais parlé d'autorisation. Et pourtant, je l'ai entendu de la bouche. Je parle dans les formations. J'ai dit informer l'autorité. Mais vous dites sans être autorisé. Je l'ai entendu. J'apprends vite. Je suis un professeur. Il ne peut pas faire sans être autorisé. Pourquoi être autorisé? La loi ne parle pas d'autorisation parce que les partis ont le droit d'aller dans la population à condition d'informer. Le problème, c'est que lorsqu'on informe, il y a toujours des pesanteurs. Le chef de zone, l'administrateur vous dira « Non, aujourd'hui, c'est les travaux communautaires. » Alors que les autres utilisent les travaux communautaires, justement. Et pourquoi pas vous utilisez les travaux communautaires pour juste faire valoir les C'est parce que idéologiquement, nous considérons que les Banyagihugu ont le droit de vaquer à leurs occupations, de cultiver leur lopin de terre. Nous avons des problèmes de famine. Il faut absolument qu'ils travaillent pour se nourrir, se loger, s'habiller et au moins ça servira à quelque chose. Sinon, la plupart des travaux communautaires qu'on observe, c'est pour chanter le chef, c'est pour construire. Et vous, comme parti politique, pourquoi vous ne feriez pas de la même manière pour que vos militants participent à ces activités, également pour faire valoir vos idées politiques? Le parti MLC de Nzangemero est fondé justement sur une politique de proximité pour inciter la population à aller dans les coopératives, à planter le café, à planter le stevia, à entrer dans les coopératives pour l'autofinancement. Nous le faisons. Nous le faisons sans être au pouvoir. Et très probablement qu'on nous en veut parce que le jour où nous serons au pouvoir, ils savent bien qu'on ne va plus parler des autres. C'est pourquoi on nous a malmenés. Je pense que tout le monde sait combien on nous a malmenés pour mettre en place nos projets. Terence Nahiradja, une politique de deux poids, deux mesures. Qu'est-ce que vous en dites finalement? Vous attaquez les guillotins, vous qui avez la gestion des partis politiques au quotidien. Vous utilisez la loi juste pour essayer de stopper ou d'empêcher les autres politiciens d'émerger sur le terrain? Nous sommes dans l'état de droit. Et les lois dont je vous parle n'ont pas été élaborées par le ministère de l'Intérieur de la Formation Patriotique. Mm-hmm. Ce sont des textes légaux qui sont passés dans les différentes instances. Mm-hmm. Tout le monde dont je vous ai parlé, il y a le projet de loi qui est là, il y a le conseil des ministres, il y a la société de législation, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat qui ont toiletté et jusqu'à la promulgation. On dirait qu'il s'agit d'un texte du ministre de l'Intérieur qui les met là pour. Mais ce sont ces honorables députés qui ont mis en place ces lois. Ce n'est pas Naïra Diaterrance qui a mis en place ces lois. Et puis, si la loi est là, il faut qu'elle soit respectée. Jusqu'à nouvel ordre, il est honorable député. Il n'a qu'à initier une loi qui ajoutait d'autres articles en vue de faciliter son travail. Mais sinon, le chemin est là. Est-ce que faire un parti politique est un problème? Est-ce qu'aujourd'hui, au lieu de vouloir le passer, au lieu de faire respecter la loi, attendez. C'est cette question, est-ce qu'aujourd'hui, si l'honorable Agathe Rwasa venait de fonder un autre parti mais politique, tout le monde, tout Burundi, est-ce qu'il sera agréé au ministère? Tout Burundi a le droit de fonder un parti politique. Et même il y a une semaine qu'un nouveau parti politique qu'on appelle la NAC vient d'être agréé, où il y a même les anciens présidents, les domiciliers, il y a même les autres. Attendez. Le professeur Juvenal Ngogwano vous a parlé des partis politiques qui sont créés et alimentés, entretenus par le parti politique. Je crois que la loi registre les partis politiques est claire. Elle dit que le gouvernement peut financer les partis politiques. Lesquels? Qui sont au Parlement? Qui sont au Parlement? Pas du tout. Qui sont pas... ces pays? Qui sont... Que... Quels sont ces partis? C'est-à-dire que le gouvernement peut, mais ce n'est pas jusqu'à maintenant, il n'y a pas un appui du gouvernement. Et les partis qui sont appelés, ces partis qui sont au Parlement. Combien de partis politiques sont au Parlement? Ce n'est que le CNDFDD et l'IPRONA. Et le CNDFDD et l'IPRONA sont financés? Non, pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de moyens pour le financer, pour éviter ces financements des autres. Même ces partis qui sont là ne sont en aucun cas financés. Et puis, je suis très scandalisé quand mon professeur dit minimise ou banalise les travaux communautaires. J'aimerais vous dire que depuis l'année 2005 jusqu'à aujourd'hui, nous avions 1900 écoles. Nous sommes à plus de 5000. Dans 10 ans, alors que pendant 40 ans, il n'y avait que 1900. Et dire que vraiment les travaux communautaires, c'est une chose à minimiser. Si vous allez voir les hôpitaux, les centres de santé qui sont construits grâce à ces travaux, je pense que la population qui est en train de l'écouter, s'il savait le résultat réel de ces travaux. Il y a une question qui vous a été posée, monsieur l'assistant du ministre. Est-ce qu'aujourd'hui. La valeur est ajoutée de la force de la population à travers ces travaux. Peut-être que cela fera non, un objet d'un autre débat, pour mais la question qui mais cela fera. Non, quand même, il a banalisé et minimisé. Et je l'encourage pour la politique des coopératives. Et c'est ça, en fait. Même le président Hugo Agassoré a commencé par les coopératives pour enseigner le parti. On a de l'époque, tout le monde le sait. Et puis. Terence Nahira, vous êtes assistant du ministre et je rappelle que le débat autour du fonctionnement des partis politiques et des coalitions, il y a une question qui vous avait été posée mais dont vous n'avez pas répondu. Cette question qui veut dire qu'est fait le ministère de l'Intérieur pour corriger les éventuelles dérives qui sont observées d'ici et là. Vous avez parlé de la fermeture du parti MSD. Quel a été son péché le plus mortel? Merci beaucoup. Parti MSD a eu des problèmes depuis sa naissance. Vous avez suivi. Il a même été suspendu pendant 4 mois les années passées. Sa jeunesse a bâti la police. J'aimerais vous informer. Là où il y a la démocratie, en France, en Belgique ou ailleurs, si vous battez un policier, directement, on tire sur toi. Directement dans la nuit, si vous ne savez pas. Mais ici, nos chers policiers ont été battus. Ils ont saigné. Ils disent que ce n'est pas ça, les saints. Mais c'est grave. Il a créé un groupe armé. La loi dit qu'aucun parti, quand même, ça c'est trop. C'est parmi les fautes lourdes qui ont fait que le parti politique MSD soit suspendu. Et qu'est-ce que vous faites par rapport aux Imbonerakure? Mais toute personne qui commet une faute, qu'il soit Imbonerakure, Ivyuma Vyindege et même les autres, il doit être sanctionné. Et ce n'est pas le ministre qui est obligé d'aller sanctionner les gens. Je vous dis, l'administration, il y a la justice, il y a la police, il y a tout ça. Tout. Des personnes qui commettent un forfait, qu'il soit du CNDFDD, qu'il soit dans notre parti politique ou dans Misero, il doit être sanctionné. Un exemple, il y a un cas de Drobeire qui a fait usage de faux à Robert Denirema. Ils avaient commencé à crier comme quoi il y a le pouvoir qui est en train de chasser, de discriminer. Mais voilà que la police a mis à jour les faux usages de faux par l'autorité. Maintenant, il est emprisonné. Et comme ça, ils se sont tués. il n'y a pas des anges, que ce soit au parti au pouvoir, même dans les partis politiques, même dans les églises, il peut y avoir des malfaiteurs. Reconnaissons que toute personne est malfaiteur et n'a pas de nom de parti politique. Il n'y a pas donc. Toute personne qui commet une faute doit être sanctionnée conformément pour à la loi. Pour dire qu'il n'y a, pas de, chasse à l'homme pour les militants. Non, de pas du tout, ça, pas du tout. Il y a des fauteurs, des fauteurs d'autres. J'invite d'ailleurs le président du parti et les autres. Nous cheminons vers la fin de notre émission. S'il veut faire une réunion, et ça sera possible. Honorable Pierre Célestin, ouais. Juste une minute. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, il est en train, bien sûr, de donner des exemples, en commençant par le Jean Dolobel. Je crois qu'il faut laisser la justice faire son travail. Les enquêtes ne sont pas encore mais c'est terminées. Parce qu'il y a toujours qu'il y a des anges qui sont discriminés. Vous avez donné un exemple. Mais voilà, voilà, on ne vous permet pas la parole. Même ici, au studio, ça devient encore grave. Évolue avec le député Pierre. Je parlais de cet exemple qu'il donne. Qui dit comme quoi bon, il n'y a pas des gens de la coalition qui sont en train d'être malmenés. Et si on pouvait prendre le temps de donner des exemples, je pense qu'on prendrait tout le temps, presque. Tout le temps qui nous reste, et même des heures et des heures. Je m'épargne de donner beaucoup de détails. Sinon, pour cet agent-là dont il parle, je crois qu'il faut laisser la justice faire son travail. Parce que maintenant, c'est en cours d'enquête. Les montages existent. Il ne peut pas convaincre si et dire Maintenant, et dire que non, écoute, c'est un exemple que je donne. C'est un exemple que je donne. Pour quelqu'un d'amitié est à montage, mais pour les autres, ce sont des péchés. Avant que la lumière soit faite sur les enquêtes, il y a les éléments qui sont. Il faut quand même s'abstenir de juger. Mais je voudrais vous dire une chose. Vous avez dit, est-ce que vous êtes en conflit avec la loi? Avec la loi. Nous ne sommes pas en conflit avec la loi. Mais nous sommes victimes, s'il vous plaît, nous ne sommes pas en conflit avec la loi, mais nous sommes victimes d'une mauvaise interprétation de la loi, et nous sommes confrontés à certaines mesures taillées, sur mesure. Évidemment, parce qu'il y a des gens qui s'embrayent sur des mesures pour écarter les autres vous devez vous de la vie politique. À la loi. Mais toute la vie est concise et circonscrite par la loi. Mais bien sûr, quelle est la loi que nous avons transgressée? Rien. Mais plutôt, tenir des meetings en dehors de alors que vous n'en avez pas l'autorisation. Nous n'avons jamais tenu de meeting, à moins que les gens ne savent pas ce que c'est. Des réunions engagées, t'es au moins. Des réunions engagées. Les réunions, mais ce sont des montages. Ok. Évoluons. Honorable Pierre Célestin. Écoute, j'ai dit que nous sommes victimes des mesures qui sont taillées, sur mesure, bien sûr. Il y a deux poids, deux mesures. C'est clair. Les gens s'embrayent justement sur ce qu'ils appellent les lois pour écarter les autres de la vie politique du pays. Et ce n'est pas un secret, c'est visible. Quel sera ce type de loi qui interdirait quelqu'un de circuler, de faire un libre mouvement sur l'étendue du territoire? Honorable Pierre Célestin, pour que cette situation quand se vous parlez de, pour qu'il y ait de l'espace politique pour tous, pour que tout le monde puisse exercer sa fonction politique en toute quiétude, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui et quel est votre engagement en tant que coalition Amizeria Barundi? Tout d'abord, il faut que les gens, que le parti au pouvoir accepte que nous sommes des Burundais et respecte les droits des autres. Nous sommes des Burundais à part entière, nous sommes des citoyens burundais et nous avons les droits et les devoirs, bien sûr, et nous devons jouir des mêmes droits que tous les autres Burundais. Et quel est votre engagement? Il faut vraiment que les gens aient le courage, s'il vous plaît, il faut que je termine, il faut que les gens aient le courage de concilier les gens plutôt que de les diviser. Il faut que les gens aient le courage de laisser tous les citoyens burundais exercer leurs droits, faire la politique, vivre à l'abri de la peur. Ce sont vraiment des choses les plus fondamentales. Et vous vous engagez aujourd'hui de respecter la loi Nous l'avons toujours respectée, mais nous sommes victimes de la manipulation de la loi. C'est ce que je vous ai dit. Pasteur Habimana, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un climat apaisé, un climat sain pour l'exercice des activités politiques, que ce soit pour les partis et la coalition? Et quel est l'engagement par rapport à votre parti? Ce qu'il faut faire au Burundi, le Burundi, c'est notre pays. J'invite les Burundais de ne plus jamais diaboliser les uns les autres. Parce que ça, on connaît. Ce n'est pas question qui prend source au Burundi. C'est une question venue de l'extérieur. Et l'extérieur connaît où il veut en venir. Secondo, je crois que ce qu'il faut faire, J'invite les partis politiques de respecter la loi Comtesse et de travailler avec une stratégie propre de devoir arriver aux élections de la 2020 et devoir faire comme l'a fait Trump. Et quel est l'engagement du parti? Nous, on s'est engagé déjà. Nous respectons l'autorité et l'autorité nous permet de travailler. Et si quelqu'un va vous mettre des bateaux dans les roues... Pour ouvrir un autre débat qui va dire que vous êtes sous les auspices du parti au pouvoir, n'aura pas menti. Le respect mutuel, c'est ce qui manque ici au Burundi. Parce que je voudrais déjà dire, on parle de multipartisme, directement on parle d'oletinisme. Terence Nahiradja, on ne va pas revenir sur ce que nous avons dit. Terence Nahiradja, vous avez la gestion des partis politiques dans votre quotidien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Amizero ya Barundi, Célestin, soit libre de circuler à l'aise dans la population qu'il a élue? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le professeur puisse atteindre ses membres sans qu'il y ait aucune entrave? Merci beaucoup. La démocratie n'est pas la démagogie. C'est pourquoi nous sommes dans l'état de droit, régi par une constitution, une loi suprême aux autres. Il faut que tout le monde, y compris moi-même, respecte la constitution de la République. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous sommes avec les politiciens. Il faut respecter la loi régissant les partis politiques dans toute son entièreté. Troisièmement, il faut que nous aimons notre pays en observant chacun en ce qui le concerne et dans tout ce dont il est capable. Et enfin, j'invite les responsables des partis politiques à se mettre au travail parce que les élections approchent de 2020. Du reste, je conseille à tout le monde de s'aimer les uns les autres. Professeur Juvenal Ngogwanoubusa, vous êtes président du parti MRC Lorenzangemero. Vous avez entendu les appels lancés par vos collègues. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que l'espace politique soit accessible à tout le monde? Et quel est l'engagement du parti MRC Lorenzangemero pour que juste cet espace soit bénéfique? Bon, ce qu'il faut faire, ce que nous ferons en tout cas, c'est de lutter contre le retour du monopartisme. Or, il se fait que une des séquelles du monopartisme, ce sont justement les travaux communautaires qu'on appelait jadis Bikogwa Vyumugambwe. Aujourd'hui, on en fait Bikogwa Vyumugambwe, mais dans notre parti. Bikogwa Rusangi. Dans notre parti. Je voudrais rappeler que tout travail fait par coercition, sans rémunération, c'est un travail, c'est un travail forcé, mais ils sont tout à fait acceptables si c'est sur base de volontariat. Je suis d'accord avec vous. Nous conseillons au parti au pouvoir d'ouvrir l'espace politique. Et c'est le parti qui a la gestion des partis politiques. Est-ce qu'il y a un parti qui a la gestion des partis politiques? Il y a le ministère de l'Intérieur. Le parti qui est confondu à l'État aujourd'hui, ce parti a intérêt à ce qu'il y ait ouverture de l'espace politique. Parce qu'un un parti politique qui n'accepte pas l'opposition se condamne à la stagnation. C'est un parti qui n'aura pas de l'eau venue d'ailleurs. Même le statut de l'opposition La loi. Sinon, naturellement, nous sommes sur le terrain politique, nous voudrions bien participer aux élections comme nous l'avons toujours fait. Et nous demandons qu'il y ait donc un climat serein. Parce que dans l'état actuel des choses, je pense que tout le monde se rend compte qu'il n'y a pas un climat serein. Et quel est l'engagement du parti MRC? C'est de contribuer à ce que ce climat serein revienne, notamment à travers les négociations auxquelles nous sommes engagés, les négociations inclusives et non pas le monologue intérieur. Ainsi s'achève notre émission Mosaïque d'aujourd'hui. Nous disons un grand merci à nos quatre invités, à savoir Terence Nahiradja, nous vous remercions pour votre participation et bienvenue encore une fois. Merci beaucoup. Nous sommes dans un dialogue et non pas dans les négociations. Merci. Pasteur Habimana, président du parti FNL Iragijya Gahutoremi, merci pour votre participation. Merci beaucoup pour le peu de temps que vous nous avez réservé. Vous nous excuserez parce qu'il y avait un débat un peu plus chaud entre les invités. Honorable Pierre-Célestin Dikoumana, merci beaucoup et bienvenue encore une fois dans nos prochaines émissions. Merci beaucoup, mais je souhaite toujours qu'on déverrouille cet espace politique et qu'on se méfie de l'intolérance et de la discrimination. Merci beaucoup. Professeur Juvenal Ngogwanoubusa, Merci pour avoir répondu présent à notre émission. Je rappelle que vous êtes le numéro 1 du parti MRC Luenzangemero. Au revoir, merci. Et nous espérons que demain vous pourrez participer si on fait appel à vous. Je ne manquerai pas. Je pense que la négociation fait partie de tout être humain. On négocie avec son enfant, avec tout ce qu'on rencontre chaque jour. Que ça s'appelle donc négociation, dialogue, pour parler ou autre chose, j'y répondrai toujours. Merci à Apollonie Doussabé qui était à la réalisation de cette émission. Merci à Séraphine pour sa parfaite complicité technique. Charles Makoto, j'étais au micro. À la prochaine.